Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, on va parler de la Loire et de ses crues. Samedi 14 mars, la Maison de la Loire d'Indre-et-Loire propose une sortie découverte intitulée « La Loire et ses crues, les leçons du passé dans la ville d'Amboise ». Une balade donc pour comprendre comment le fleuve a façonné la ville et quelles traces les grandes crues ont laissées derrière elle. Pour en parler, je suis reçue aujourd'hui par Thierry Poli, coordinateur à la Maison de la Loire. Bonjour Thierry. Bonjour. Pour commencer, en quelques mots, la Maison de la Loire, c'est quoi ? On fait toujours un petit rappel contextuel, évidemment. Alors, c'est bien de rappeler le contexte. Donc, la Maison de la Loire fait partie d'un réseau de 6 maisons de Loire au sein d'une fédération, la Fédération des Maisons de Loire. Elle est basée à Montlouis et elle représente l'Indre-et-Loire, bien sûr. Donc, c'est un lieu d'information et de ressources avec une bibliothèque, des expositions gratuites, un laboratoire, une salle de projection, des ateliers d'animation. Donc la structure est donc un lieu d'information et de ressources, parce que nous sommes présents sur pas mal de comités de pilotage, de groupes de travaux et très sollicités. Après, nous avons des expositions temporaires et permanentes, et puis des journées thématiques, nous organisons des conférences, et nous avons aussi un gros travail en corrélation, en cohérence avec les autres maisons de Loire, telles que la sensibilisation au risque d'inondation chez les jeunes, mais aussi chez le public. Et puis bien entendu, le pôle qui nous identifie le mieux, c'est celui des sorties découvertes, des animations, de la pédagogie de terrain, objective, en Loire, en salle, et dans tous les contextes possibles pour essayer de faire comprendre le fleuve en veillant bien à ce que les gens se sentent toujours impliqués dedans. Très bien. L'actualité du moment, c'est donc la sortie du 14 mars, une sortie intitulée « La Loire et ses crues, les leçons du passé ». Qu'est-ce qu'on va découvrir pendant cette sortie ? Alors, le but de la sortie, d'abord, c'est de collaborer avec le technicien du syndicat mixte du bassin de la Masse, puisque, comme on le sait, Amboise est identifié par la Loire, mais la Masse. C'est la Masse, c'est un affluent de la Loire qui rejoint la Loire, donc on pourrait dire dans le centre-ville. Qui passe sous la ville. Exactement, la Masse passe sous la ville, et donc Amboise est une ville de confluence. Cette confluence a conditionné, avec les éléments géologiques, a conditionné l'organisation de la ville, a conditionné également l'histoire et le rapport que les Amboisiens et que les grands édifices entretiennent avec l'eau, quelle qu'elle soit. Donc c'est important de le rappeler. Donc le but de la sortie, c'est de se pencher d'un point de vue patrimonial sur les éléments de protection contre les inondations qui ont été installés au 19e siècle et de replacer, on va dire, ces éléments dans un contexte actuel quant à leur efficacité, quant à leur devenir, et puis aussi dans un contexte beaucoup plus global qui est celui du bassin de la Loire et bien entendu celui du cycle de l'eau et de toutes ces ruptures, parce que c'est très important, puis de fonctionnement du bassin de la Loire. Donc avec Alexis René, le technicien du syndicat mixte, nous allons tenter de décrire des éléments, mais surtout de faire prendre du recul et de replacer, comme je disais, chaque élément, chaque, on pourrait dire, des événements du passé qui ont été très douloureux, essayer de les rendre, de les mettre en lumière, de les rendre avec plus d'objectivité et surtout d'amener le public à s'interroger et à s'informer. Parce que quand on voit l'actualité, on dit tout et n'importe quoi sur le dérèglement climatique, mais tout est en fait très lié. Et puis il y a aussi une dimension, je disais, du cycle de l'eau, c'est-à-dire le but c'est d'essayer de prendre conscience que les activités humaines, l'urbanisation, l'aménagement, l'artificialisation des sols, ça pèse lourd en fait dans les facteurs aggravants de ces ruptures du cycle de l'eau. Donc en fait tout est lié. Et le message au-delà de tout, c'est le suivant, c'est-à-dire de se dire que l'on ait trop d'eau, pas assez d'eau, de l'eau ici et pas là-bas, et pourquoi et comment ça fonctionne ou pas, etc. Il faut bien savoir que d'abord l'eau, quelle qu'elle soit, c'est un enjeu, c'est une ressource qui va devenir de plus en plus précieuse, et que les ruptures de tous les cycles, que ce soit le cycle au sein de la ville ou le grand cycle de l'eau à l'échelle du bassin, comportant la Loire et les affluents, c'est aussi un indicateur qui doit nous faire réfléchir sur le rapport que l'on a avec les crues, les inondations, bien sûr, mais aussi avec ce qui va devenir de plus en plus un manque d'eau. Tout est lié. Thierry, tu évoquais des événements douloureux. On pense à la crue de 1856, notamment, qui a beaucoup marqué la région. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de comment on peut encore voir aujourd'hui les traces de cet événement-là? Alors, je n'y étais pas, donc je ne vais pas pouvoir te répondre. Non, mais c'est une boutade pour dire simplement que oui, alors j'y étais pas, mais dans la ville, tous les Amboisiens peuvent se promener, que ce soit rue de la Concorde, que ce soit en bas de la levée de la Loire, que ce soit aussi rue Paul-Louis Courier, rue Ambroise Paré, enfin voilà, il y a plusieurs marques de crues. Ça, c'est un moyen de constater effectivement sur ces marques que effectivement l'eau a été présente dans la ville. Alors, en termes de reproductibilité, aujourd'hui, c'est pas si facile de dire comment ça se passerait et comment on pourrait avoir des hauteurs plus importantes ou moins importantes selon les scénarios de crues que l'on a connus, les grandes crues, 1846, 56, 66, mais aussi 1907. On peut donner un exemple, par exemple, qui est assez proche dans le temps, la crue qui a marqué les esprits des Amboisiens, la crue de décembre 2003, janvier 2004. Cette crue-là, effectivement, quand on se promenait dans Amboise et qu'on faisait des photos pour nos documents pédagogiques, on voyait des gens qui étaient effectivement effarés et qui ne pouvaient pas penser que la Loire pouvait dépasser ce niveau. Et bien, il faut savoir une chose, c'est qu'on est loin de ça lorsque l'on parle des crues plus fortes comme 1856, par exemple. Il faut rajouter, je dirais pas combien, mais enfin peut-être pas quelques mètres, mais enfin au moins 1 ou 2 mètres minimum, parce qu'en fait, le lit de la Loire s'enfonce. Il y a effectivement le barrage de Villeray, mais le barrage de Villeray qui est en amont de Roanne ne va pas avoir un gros pouvoir d'écrêtement par rapport à tout ce qui est en aval. Donc il faut relativiser ça. Et il y a aussi un facteur, je répète, aggravant, c'est celui du dérèglement climatique qui va, dans nos variations de crues et d'étiages, apporter de l'intensité, de la soudaineté et de l'irrégularité. On voit un petit peu là depuis 5 ans ce qui se passe. Nos périodes de chaleur sont intenses, nous éprouvent, et l'eau qui ne se perd pas d'ailleurs, elle nous est restituée sous forme d'épisodes de pluie. Donc c'est peut-être un petit peu une vitrine pour nous dire attention, les choses ne vont pas vraiment s'arranger. Et donc voilà, on sera aussi dans cette sortie avec Alexis à l'écoute des questions. Je parlais tout à l'heure des eaux pluviales concernant Alexis. Je parlais aussi du devenir de la masse, de l'aménagement. Les gens, ils ont tous connu de près ou de loin des hauteurs d'eau qui les ont interpellés, impressionnés. Donc ça sera l'occasion de poser ces questions-là, y compris sur la crue, entre guillemets, récente, là, du mois de février. Il y a toujours des questionnements. Bon, c'est un peu humoristique, je vais taquiner, mais les gens qui font leurs courses, comme moi au Leclerc, par exemple, ont connu des hauteurs d'eau qui les empêchaient de faire des courses. Mais ça aussi, il faut l'expliquer, parce qu'en 2016, tout le monde a dit c'est la masse qui est en crue. Non, c'est pas la masse qui est en crue, c'est la configuration du site qui est tout à fait propre à accueillir les eaux pluviales qui viennent de plus haut. Et donc voilà, comprendre l'ensemble de la problématique de l'eau et ne pas pointer du doigt uniquement le cours d'eau, c'est un peu le but de cette sortie. Et alors, comprendre cette problématique de l'eau et justement ce phénomène que sont les crues, c'est aussi une préoccupation de la Maison de la Loire qui va bientôt proposer des formations à destination des élus locaux, n'est-ce pas Thierry ? Oui, alors pas sur les crues en tant que telles, mais sur d'autres thématiques. Alors, en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et avec la Fédération des Maisons de Loire, donc nous allons proposer, je pense, cette année, des ateliers de sensibilisation. Il y en a un qui est prévu sur les micropolluants dans l'eau. Il y en a deux qui sont prévus sur comment gérer, valoriser, faire durer des zones humides comme les mares. Et puis, il y en a une qui s'est faite l'année dernière, qui a eu beaucoup de succès, qui était portée sur la Masse, la vallée de la Masse. Une qui portait sur le thème des bio-indicateurs. Bio-indicateurs de état de l'eau et bio-indicateurs sur la masse. Donc voilà, alors ça c'est un projet que l'on a. Il va falloir trouver des dates pour caler tout ça, communiquer, ça va être encore un gros travail, mais voilà, bon, de toute façon, toute personne qui souhaite s'intéresser aux sorties de la Maison de la Loire, aux actions, conférences et autres, peut prendre contact avec la Maison de la Loire et aller sur son site internet. Et puis en projet, nous avons, dans le cadre de ce partenariat avec l'Agence de l'eau, à Mont-Louis, une conférence sur le thème du dérèglement climatique et de l'espace et de ses conséquences sur l'espace fluvial de la Loire. Cette conférence sera animée par une chercheuse de l'Université de Tours qui est Catherine Boineau. Donc si la date ne change pas, parce qu'on est quand même, on remercie la mairie de Montlouis de nous attribuer la salle de conférence Nigeria, si la salle est toujours disponible, normalement, il faudra se renseigner là encore auprès de la Maison de la Loire, mais ça sera le 8 avril à 20h30. Très bien. Quant à la sortie, La Loire et ses crues, les leçons du passé, elle aura lieu le 14 mars à 14h30 avec un rendez-vous devant l'office de tourisme d'Amboise. Une durée de 2h30 avec une réservation obligatoire auprès de la Maison de la Loire. Comment on fait pour réserver ? Alors, soit on peut appeler pour réserver, et sinon, le mieux pour nous, c'est d'aller sur le site internet de la Maison de la Loire, sur Hello Asso. Et après, quand on va sur le site internet de la Maison de la Loire et qu'on est dans l'actualité, il y a toujours une petite entrée réservée, ce qui permet d'avoir accès directement. Alors, chose importante aussi pour cette sortie, je le regrette pour les enfants, mais c'est une sortie qui est plus faite pour les adultes. Donc, elle est vraiment fléchée adulte parce que, bon, c'est quelque chose qui est un petit peu lourd quand même, hein, faut le savoir. Mais bon, généralement, le public est toujours au rendez-vous avec des questions. Mais bon, les enfants ne s'y retrouveraient pas, je pense. En même temps, la Maison de la Loire fait déjà plein d'animations et d'ateliers pour les enfants. Ils ne sont pas laissés pour compte. Merci beaucoup Thierry pour ces explications et rendez-vous à tous les auditeurs qui le souhaiteront le 14 mars pour mieux comprendre l'histoire et le fonctionnement de la Loire. Merci Thierry. Merci à toi Marlène. Retrouvez le MAG et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.